بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عبد الله تشوف تصل على المصحف تصل على المصحف. Donc on continue notre programme تفسير فقه الحديث. Donc nous étions arrivés à la sourate عبس وتولى. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. Donc le premier verset dit عبس وتولى. Ça parle d'une personne بصيغة الغائب. C'est-à-dire ça parle de quelqu'un. عبس وتولى. Quelqu'un qui s'est renfrogné. عبس c'est quand on fronce les sourcils et on ferme son visage. Parce qu'on voit ou on assiste à quelque chose qui ne nous plaît pas. عَبَسَ وَتَوَلَّى. تَوَلَّى c'est-à-dire qu'il s'est détourné. De qui est-ce que ça parle? Ça parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, dans cette sourate, Allah a fait un itad, c'est-à-dire un reproche, une réprimande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant عَبَسَ وَتَوَلَّى. Mais on observe, l'histoire on va l'expliquer après, mais déjà on observe qu'Allah n'a pas dit عَبَسْتَ وَتَوَلَّيْتَ. Il n'a pas dit tu t'es renfrogné et tu t'es détourné. Pourquoi? Parce que, ça on l'observe dans de nombreux passages du Coran, le choix d'amaïr, des pronoms et de la façon dont tu t'exprimes, eh bien, ça dénote quelque chose. Et le fait, si Allah avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Adasta wa tawallayt, ça aurait été trop fort, trop violent. Donc c'est une façon de le réprimander, mais une façon qui est yani fiha talattuf, qui est douce. Pas quelques exemples à ça, dans la façon d'utiliser le ra'ib ou le mutakallim, etc. C'est quand, avec al-khidr, ou al-khidr ou al-khadir, dans surat al-kahf, quand il a fait un trou dans la barque, qu'est-ce qu'il a dit? Fa'aradtu an a'ibaha. J'ai voulu... Aïb, ça vient de l'aïb, c'est-à-dire créer un défaut à cette barque. Alors que quand il a parlé du mur qu'il a reconstruit pour les orphelins, qu'est-ce qu'il a dit? Fa'arada rabbuka an yablura ashuddahuma. Il n'a pas dit arad tout. Pourquoi? Parce que quand il parle de l'aïb, il ne peut pas dire fa'aradna ou arad Allah an yaïba. Même si, qui lui a ordonné de faire ça? De faire un trou dans la barque. C'est Allah, mais par politesse, il ne dit pas Allah a voulu faire un défaut à la barque. Pour, dans la formule, dans la phrase, ne pas affilier l'aïb, le fait de faire un défaut à Allah. Donc il a dit fa'aradtu. Par contre, quand il a dit que nous avons voulu que les orphelins grandissent et qu'ils découvrent leur trésor, il a dit فَأَرَادَ رَبُّكَ. Allah a voulu. Et les exemples à ça, ils sont très nombreux. Je vous invite à revenir à l'explication de Khalid al-Sabt. Hafid al-Allah, il a donné beaucoup d'exemples à ça quand il a expliqué عَبَسَ وَتَوَلَّى. Donc عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى. Il s'est renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle lui est venu. L'aveugle en question ici, c'est Abdullah ibn Ummi Maktoum, radiallahu anh, qui était un aveugle de Quraysh, et qui un jour est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le questionner. Donc, est-ce qu'il était déjà converti ou pas? Allahu a'lam. C'est quelque chose qui n'est pas certain dans sa biographie. Donc, soit il n'était pas déjà muslim, et en fait il a voulu se renseigner sur l'islam, ou alors il était déjà muslim, comme c'est rapporté dans certaines versions, et en fait il voulait entendre certains versets de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé, c'est que il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu lui poser des questions, se renseigner. Or le prophète à ce moment-là sallallahu alayhi wa sallam était occupé avec quelqu'un de riche. Dans une version c'était une seule personne, dans d'autres versions c'était plusieurs personnes. C'était les plus connus de Quraysh, Utba ibn Rabi'a, Abu Jahl. Il est rapporté également que parmi eux il y avait Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sagesse, il était assidu à appeler les riches et les puissants à l'islam. Pourquoi? Parce que il savait que si eux se convertissaient, il y avait de fortes chances que tout le monde après se convertisse. Et il savait que si eux se convertissaient, eh bien ça allait protéger sa da'wa et renforcer sa da'wa, la da'wa de l'islam. Donc, le reproche qu'a fait ici Allah au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas de s'être tourné vers les riches pour les appeler à l'islam. Ça, c'est le prophète avait raison de faire ça. Et c'était une sagesse de sa part. Mais ce qu'Allah lui a reproché, c'est que quand il était occupé avec ses riches et ses gens nobles à les appeler à l'islam, et que l'aveugle, lui, et eux ne veulent pas écouter ses propos, et c'est pas eux qui sont venus vers lui, c'est lui qui est venu vers eux. Par contre, l'aveugle, lui, il est venu se renseigner. C'est lui qui veut savoir. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a froncé les sourcils, il s'est détourné de lui pour se consacrer aux riches. C'est ça qu'Allah lui a reproché. Donc, ce qu'on peut retirer ici, c'est qu'il n'y a pas de mal à ce que quelqu'un qui appelle à l'islam, il consacre un temps où il se concentre sur le fait d'appeler des personnes puissantes à l'islam. Ça, il n'y a pas de mal. Pourquoi? Parce que c'est logique. Parce que si ces personnes puissantes entrent dans l'islam, eh bien ça va renforcer l'appel à l'islam et ça va renforcer l'islam et les musulmans. Le reproche, c'est de faire ça au détriment des gens plus faibles qui, eux, veulent apprendre et qui, eux, font le pas et font l'effort d'apprendre. C'est ça qui est bien mal. Et ce genre de choses, on le retrouve dans certains groupes affiliés à l'islam. Ça existe. C'est-à-dire qu'ils se concentrent sur la da'wa, par exemple, des étudiants, des gens haut placés, et ça ne les intéresse pas de parler aux grands-mères qu'il ne faut pas porter l'établissement. Ça ne les intéresse pas de parler aux femmes comme quoi il ne faut pas aller chez les voyants. Ils disent ça, on s'en fiche de tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les ingénieurs, les avocats, etc. Mais ça ressemble à ce qu'on trouve dans cette sourate, et ce qu'Allah a reproché au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait qu'ils se concentrent sur eux, ou qu'une partie d'entre eux soit consacrée à ça, ou soit plus apte à ça, il n'y a pas de mal. Mais ça ne doit jamais être au détriment des gens du commun, des gens plus faibles, des gens plus modestes, qui eux veulent apprendre. Donc Allah a appris ici au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il doit mettre tout le monde au même piédestal dans sa da'wah. Le faible comme le fort, le riche comme le pauvre, l'esclave comme l'homme libre, la femme comme l'homme, les vieux comme les jeunes, les adultes comme les enfants. Il doit traiter tout le monde et se consacrer à tout le monde, et se concentrer sur la da'wa de tous. Et ne pas se concentrer seulement sur une partie au détriment des autres. Également ici, Allah lui apprend que, on va le voir dans les versets qui suivent, que quelqu'un qui a du ilm, quelqu'un qui a du savoir, eh bien celui qui mérite le plus, qui lui consacre son savoir, c'est celui qui en veut. Et que celui qui en veut pas, il faut pas se fatiguer avec lui. C'est un peu comme on dit en français, c'est quoi, donner de l'or au cochon, c'est ça? Non, la confiture. La confiture. C'est-à-dire que la personne qui mérite qu'on se consacre à lui, que le mu'allim se tourne vers lui, c'est celui qui vient, quel que soit. Il ne faut pas regarder l'intérêt que tu peux avoir auprès de lui. Il faut considérer le fait que lui, il a fait l'effort de chercher. Donc regardez dans les versets suivants, Allah dit وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ وَمَا يُدْرِيكَ c'est-à-dire, et quand sais-tu لَعَلَّهُ يَزَّكَّ peut-être qu'il va se purifier. Là, ça parle de qui? De l'aveugle. Donc, que veut dire se purifier ici? Et on revient, est-ce que l'aveugle, il était déjà converti ou pas? S'il n'était pas déjà converti, alors يَزَّكَّ, on va l'expliquer par يُسْلِم لَعَلَّهُ يُسْلِم c'est-à-dire, quand sais-tu peut-être qu'en t'écoutant, il va entrer dans l'islam. Et c'est sûr qu'entrer dans l'islam, ça sera pour lui une tazkiya, une purification. Parce qu'il va se purifier du kufr, se purifier du shirk. Mais s'il était déjà musulman, comment on comprend la'allahu yazzakka? Lui, qu'est-ce qu'il est venu demander? Il est venu demander un renseignement. Il est venu demander, dans certaines versions, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répète ou lui dise certains versets. Donc lui, il voulait apprendre. Donc la'allahu yazzakka, peut-être qu'il va se purifier. Il est déjà mu'min, mais le ilm qu'il est venu demander va augmenter à sa purification. Parce que l'être humain, il peut se purifier toute sa vie. Il ne sera jamais trop pur. Et ça nous montre aussi que l'ilm, c'est une tazkiya. Normalement, le ilm, c'est une tazkiya. Puisqu'il est venu demander du ilm, et Allah a dit, la'allahu yazzakka. Peut-être qu'avec ce ilm que tu vas lui donner, il va se purifier. Ou peut-être qu'il se rappellera et que le rappel lui sera profitable. C'est-à-dire que peut-être que tu vas lui enseigner quelque chose qui va le purifier, ou peut-être que simplement tu vas lui rappeler quelque chose qu'il savait déjà. Et le rappel va lui profiter. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vient demander. Celui qui est tourné vers la vérité, celui-là, le rappel lui profite. Comme Allah dit en Coran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Le rappel profite au croyant. Pourquoi? Parce que le croyant, il est réceptif. Il veut du rappel. أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى. Donc ensuite, Allah parle des autres. Quant à celui qui istarna. Que veut dire istarna? Bien sûr, istarna, ça vient de l'rina. Istarna, c'est-à-dire qui se suffit à lui-même. C'est-à-dire qui yastarni anil iman, yastarni anil dhikr. Istarna, ici, c'est dans le sens que il considère qu'il n'a pas besoin de ce que tu es en train de lui dire. C'est ça, istarna. Ou alors, istarna, ça peut être également celui qui est riche, vraiment de l'rina, c'est-à-dire qui a beaucoup d'argent. Et l'imam al-Tabari, il a joint les deux. Il a dit yastarni anil haq, yani ma'na ma qal. يَسْتَغْنِي عَنِ الْحَقِّ بِمَالِهِ. Mais comme il a beaucoup d'argent, comme il a beaucoup de fortune, eh bien il se passe de ce que tu lui dis. Considère qu'il n'a pas besoin d'écouter ce genre de paroles. Effectivement, généralement, c'est plutôt les gens puissants et les gens riches qui vont considérer que n'ont pas besoin d'écouter quelqu'un leur prêcher, entre guillemets, la vérité ou la bonne parole. Parce que son argent, il le trompe. Sa position sociale, sa puissance, elle le trompe. فَأَنْتَ لَهُمْ تَصَدَّى. Donc Allah ici fait une réprimande au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Celui qui istarna, tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qui se passe de la vérité et se contente de son argent, فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. Tu te consacres à lui, tu te tournes vers lui. تَصَدَّى, en arabe, c'est le contraire plus ou moins de « أَعْرَضَى ». تَصَدَّى, c'est se tourner vers quelque chose, se consacrer à quelque chose. Donc Allah l'a blâmé pour cela. C'est-à-dire que celui qui est riche, celui-là, tu te tournes vers lui. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّ. Et pourtant, مَا عَلَيْكَ, c'est-à-dire, ça ne te nuit en rien, أَلَّا يَزَّكَّ, qu'il ne se purifie pas. C'est-à-dire, tu es assidu à l'appeler à l'islam, pourtant qu'il se convertisse ou pas. مَا عَلَيْكَ, que veut dire مَا عَلَيْكَ? C'est-à-dire que tu n'en es pas responsable, et aucun reproche ne te sera fait. Donc pourquoi est-ce que tu te consacres à lui? Pourquoi est-ce que tu es si assidu envers lui? Alors que de toute façon, ma alayka, c'est-à-dire aucun reproche ne te sera fait et tu n'es pas responsable du fait qu'il ne se purifie pas, c'est-à-dire qu'il n'entre pas dans l'islam. Wa amma man ja'aka yas'a. Et quant à celui qui vient à toi, yas'a. Yas'a, c'est sa'a en arabe, c'est le fait de s'empresser vers quelque chose. Donc on comprend que cet aveugle, il venait avec assiduité, avec motivation. Wa huwa yakhsha, et qui craint, c'est-à-dire il craint Allah et il craint le châtiment d'Allah, il vient se renseigner parce qu'il craint Allah. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا. Eh bien, tu te détournes de lui. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكَرَا. كَلَّا ici, on avait déjà expliqué que كَلَّا des fois c'est كَلَّا ça veut dire non, mais c'est pour nier quelque chose qui est compris dans ce qui précède. Donc ici كَلَّا, c'est-à-dire كَلَّا يَا مُحَمَّد. Non, ô Mohammed, ce n'est pas de cette façon que tu dois agir. Donc on voit la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a enseigné même sa mission et la façon dont il devait s'y prendre dans le Coran. Et certains salaf disaient que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dû cacher des versets, il aurait caché cela. C'est-à-dire s'il n'avait pas été un vrai prophète, si c'était un menteur, jamais il aurait dit. Il aurait dit aux gens, Allah m'a révélé Abasa wa Tawalla, dans lequel il y a des reproches envers lui-même. Ce ne serait pas logique de faire ça. Sinon, pour parler de, rapidement de Abdullah ibn Ummi Maktoum, eh bien par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, après avoir reçu ces versets, le prophète il l'appelait et lui disait, que veux-tu? Demande-moi tout ce que tu veux. Et il lui disait même, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et prenez soin de lui. Plus tard, Abdullah ibn Ummi Maktoum, il a accompli l'hijra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs moments dans la sira, istakhlafahu ala al-Madina. C'est-à-dire que le prophète partait en expédition et il laissait Abdullah ibn Ummi Maktoum comme pour gouverner Médine. En l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui dirigeait Médine, pas toujours lui, mais c'est-à-dire ça pouvait être parfois d'autres compagnons, mais à maintes reprises, c'était Abdullah ibn Ummi Maktoum et c'est lui qui dirigeait la prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ces différentes reprises quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas là. Et également, vous savez que c'était lui le mu'adhin. C'était lui qui appelait à la prière à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Ensuite, les versets suivants passent à un autre sujet. Kalla innaha tadhkira. Donc le kalla, ici, on l'a déjà expliqué. Innaha tadhkira. Elle est un rappel. Innaha, le ha, à quoi est-ce qu'il renvoie ici? À la maw'idha, à l'exhortation qui précède dans les versets qu'on vient d'expliquer. Innaha, yani hadhihi al-maw'idha tadhkira. Ce qu'il y a dans ces versets, cette exhortation qui est dans ces versets, est un rappel. Faman sha'a dhakara. Alors celui qui le veut, qu'il se le rappelle. Mais on voit qu'ici, ça ne parle pas de la même chose, puisqu'Allah a dit innaha tadhkira au féminin. Cette chose est un rappel. Et ensuite il dit donc celui qui le veut qu'il se le rappelle et non pas qu'il se la rappelle. Donc quelle est cette chose qui est un rappel dans le premier verset? Innaha tadhkira, c'est-à-dire l'exhortation qui est dans les premiers versets de la sourate, ou la sourate. Faman sha'a dhakarahu, alors celui qui le veut qu'il se le rappelle, ça peut être qu'il se rappelle d'Allah. Et l'imam al-Tabari dit فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ وَحْيَهُ وَتَنْزِيلَهُ. Le « hu » ici, il renvoie en fait à la révélation d'Allah en général. Donc celui qui le veut, qu'il se rappelle de la révélation d'Allah, c'est-à-dire le Coran. Qu'il réfléchisse sur le Coran et qu'il se rappelle du Coran. Donc c'est, en tout cas, c'est une invitation d'Allah au fait, au dhikr, c'est-à-dire à se rappeler les exhortations qu'Allah nous donne dans le Coran et à se rappeler au moyen du Coran. Ensuite, Allah dit « fi suhufin mukarramatin » dans des feuillets mukarrama qui sont honorés. C'est-à-dire cette exhortation et le Coran de façon générale est présent dans des feuilles qui sont honorées. Marfu'atin, qui sont élevées, c'est-à-dire qu'elles sont très hautes, elles sont au ciel. Mutahara, elles sont purifiées. C'est-à-dire que le faux ne peut pas approcher, l'altération ne peut pas approcher ces feuillets. Et les diables n'ont pas accès non plus à ces feuillets. Bi'aidi safara, dans les mains d'ambassadeurs, c'est-à-dire des anges. Donc que veut dire tout ce qu'il y a dans ces versets? C'est que Allah nous parle du Coran et nous dit ce Coran, il est dans des feuilles qui sont honorées, qui sont élevées, qui sont purifiées, et qui sont dans les mains de nobles ambassadeurs. Et il dit safara, c'est-à-dire les anges. Kiramin barara, qui sont nobles, c'est-à-dire nobles dans leur comportement, et barara, barara c'est le pluriel de bar, qu'on peut traduire plus ou moins par pieux, bon, obéissant. Donc ça c'est la description des anges qui portent les feuillets dans lesquels sont dans lesquels est inscrit le Coran. Donc quels sont ces feuillets? Est-ce que c'est Al-Lawhul Mahfouz, la table gardée, ou est-ce que ce sont d'autres feuilles que plusieurs anges possèdent, comme si en fait au ciel des anges ont le Coran dans leurs mains? C'est ça le sens, Wallahu A'lam. C'est pas Al-Lawhul Mahfouz, parce qu'Al-Lawhul Mahfouz c'est la table gardée, c'est une seule et elle n'est pas dans les mains de différents anges. Donc ça parle en fait du Coran et des feuilles du Coran que certains anges lisent et portent dans les cieux. Ici, Khalid al-Sabt, il a parlé de quelque chose de très intéressant que j'ai pas vu dans les autres livres. Et ça relève de ce qu'on appelle al-tafsir al-ishari. C'est quoi le tafsir al-ishari? C'est le fait de faire, quand on parle du tafsir d'un verset, de rappeler comme quoi le tafsir de ce verset fait penser à autre chose. Khalid al-Sabt ou Moussa al-Tayyib? Khalid al-Sabt, pas Moussa al-Tayyib. Ça fait penser à quelque chose. Et en fait, le tafsir al-Ishari, bon ça c'est un autre sujet, peut-être un jour on en parlera, la plupart du temps c'est quelque chose qui est faible et qui n'est pas accepté dans le Coran. Et parfois il peut être valable. En fait, de quoi il a parlé ici? C'est quoi le tafsir al-Ishari qu'on peut faire avec ces versets? Il dit, c'est le fait que quand Allah dit fi suhufin mukarrama, que dans le ciel, le Coran il est dans des feuillets qui sont honorés. Eh bien, on en comprend que sur terre aussi, les suhuf qui contiennent le Coran doivent être mukarrama. Donc, le verset il dit pas ça, mais ça fait penser à ça, et on peut en déduire ça. C'est ça le tafsir ishari. C'est comme un tafsir, si vous voulez, secondaire. C'est comme des enseignements qu'on retire des versets. Donc il dit, comme les feuillets sont mukarrama auprès d'Allah et auprès des anges, ils doivent être mukarrama ici-bas. Et donc on en comprend que le Coran il doit être respecté. C'est-à-dire qu'on ne le pose pas dans des endroits où il sera rabaissé, où il sera malmené. Par exemple, ils disent, tu ne poses pas à un endroit où tu sais que les gens vont passer, quand tu le mets par terre. Ou si les gens vont passer au-dessus. C'est un manque de respect envers le Coran, d'enjamber le Coran. Ou dans des endroits où il pourrait y avoir des saletés ou des impuretés. Tu n'utilises pas le Coran, par exemple, pour ranger un rib ou une lettre ou quoi que ce soit. Ou un mot, un mémo ou quoi que ce soit. Le Coran, il ne sert pas à ça. Également, on sait qu'on ne touche pas le Coran sans avoir fait le wudu au préalable, etc. Donc on voit que, et les savants ont écrit sur ça, sur les différentes façons de se comporter avec le mushaf. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة donc مرفوعة également مطهرة, c'est-à-dire que ce livre également ici il doit être élevé, il doit être purifié, c'est-à-dire loin des saletés, loin des impuretés, on ne le touche pas lorsqu'on n'a pas le wudu. Également ça fait penser au fait d'accrocher le Coran à la maison puis de regarder le Real Barça en même temps. Ça c'est un manque de respect envers le Coran. Et encore, ça c'est qu'un match de foot, mais qu'en est-il des feuilletons avec les pubs, avec la musique, les femmes qui sont pas voilées, et le Coran il est comme ça sur un cadre à côté. Ça également c'est un manque de vénération et de respect envers le Coran. Ensuite, quand Allah dit « Bi-aidi safara kiramin barara », eh bien ils disent, eh bien, c'est ainsi que doivent être les porteurs du Coran ici-bas, c'est-à-dire ceux qui apprennent le Coran et qui connaissent le Coran par cœur. Ils doivent être kiram barara, c'est-à-dire ils doivent être nobles dans leur comportement, ils doivent être pieux et obéissants envers Allah. Donc ça, bien sûr, c'est un sujet, c'est un grand sujet, il y a des livres qui existent carrément à ce sujet, notamment celui de l'imam Al-Ajurri, dont le livre s'appelle, je crois, c'est pas Tibyan c'est Nawawi. Bref, ce sont des livres qui expliquent Adab Hamalati al-Qur'an. Quel est le comportement que doit avoir celui qui connaît le Coran par cœur? Ensuite, les versets parlent de l'être humain en disant Qutil al-insanu ma akfarahu. Qutil al-insan. Qutil al-insan, littéralement, ça veut dire que l'être humain soit tué. En fait, c'est une façon de. C'est comme quand on dit malheur à l'être humain en français. Maudit soit l'être humain. Donc en arabe, ici, قُتِلَ الْإِنسَانِ. C'est comme si Allah souhaite le mal à l'être humain, ou blâme l'être humain, de cette façon. مَا أَكْفَرَهُ. Les arabophones, qu'est-ce que vous comprenez ici de مَا أَكْفَرَهُ? Non, c'est pour voir en fait ce que vous comprenez, pour ceux qui connaissent l'arabe, qu'est-ce que vous comprenez de ma akfarahu. Parce qu'on peut comprendre deux choses en fait. Voilà, on peut comprendre at-ta'ajjub. Non, pas la négation, non. C'est pas possible. Ma akfarahu, non. Ce qui est venu avant. Non, c'est pas logique. Non, bah non, ça marche pas. Avec le contexte, soit c'est le ta'adjoub, ma akfarahu, yani ma achadda kufrahu, comme il est mécréant. Donc ça c'est un ma qu'on appelle ma ta'adjoubiya, comme quand tu dis, pardon, ma ajmala al-bayta, comme cette maison est belle. Et ce qui suit ma, il doit tout être maftouh, donc tout doit finir en a. Donc ça peut être ça ici, ma akfarahu, comme il est mécréant, comme il est ingrat, comme il est kafir en fait. Ou alors ça peut être ma al-istifhamiya, ma akfarahu, qu'est-ce qui le pousse à être kafir. Et les deux, plus ou moins, ça revient à peu près, on comprend le même sens. En fait, soit Allah dit ici, comme il est ingrat, l'être humain, alors que je lui ai donné, et on va voir tout ce qu'il y a dans les versets suivants. Ou alors, qu'est-ce qui le pousse à être mécréant, à être ingrat, alors que. Donc par rapport à la suite des versets, ça ne change pas beaucoup le sens. C'était juste pour voir, je voulais voir à peu près ce que vous comprenez. Min ayyi shay'in khalaqahu. Donc ici Allah pose la question. À partir de quoi, de quelle chose l'a-t-il créé? Min nutfatin khalaqahu. D'une goutte, il l'a créé. C'est-à-dire d'une goutte de sperme et d'une goutte également qui vient de la femme, des deux. C'est-à-dire du liquide de l'homme et celui de la femme. Min nutfatin khalaqahu faqaddara, puis qaddarahu. Qaddara, plus ou moins, ça veut dire déterminé, destiné. Donc que veut dire qaddarahu? C'est-à-dire qu'Allah l'a déterminé. Il a déterminé s'il allait être heureux ou malheureux. Il a déterminé quelle forme sera la sienne. Il a déterminé quel sera son délai, etc. Et également, il a déterminé dans le sens où il a mis en lui tous ses instincts et toutes ses capacités pour qu'il puisse survivre. Donc il y a al-khalq, c'est le fait de l'avoir créé simplement à partir du néant. Et ensuite il y a al-taqdir. Al-taqdir de la part d'Allah, c'est le fait qu'il a tout déterminé pour l'être humain, tout fixé entre guillemets. C'est un peu dur à traduire le verbe qaddar. Donc il l'a créé et il l'a qaddar, on ne va pas répéter. Thumma sabila yassarahu. Puis le chemin, il l'a facilité. C'est-à-dire, il lui a facilité le chemin. Quel chemin? L'imam al-Tabari, rahimahullah, il dit Al-Khuruj min batni ummi. Le chemin ici veut dire le fait de sortir du ventre de sa mère. Pourquoi? Par rapport au contexte des versets. Puisqu'Allah parle de la création, du taqdir, et on voit qu'il a dit Khalaqahu faqaddarahu. Le fait qu'Allah dise fa, ça prouve que le taqdir et le khalq, ils sont proche l'un de l'autre. Mais quand il a parlé de As-Sabil, il a dit Thumma. Pourquoi? Parce que As-Sabil, c'est 9 mois plus tard. C'est 9 mois après Al-Khalq. Quand l'être humain est créé, c'est que 9 mois plus tard qu'il sort. Donc il n'a pas dit Fas-Sabil al-Yasra. Thumma. Pour montrer que c'est une étape qui est beaucoup plus tard. Donc Thumma As-Sabil al-Yasra. C'est-à-dire ensuite, il lui a facilité le fait de sortir du ventre de sa mère. ثم أماته فأقبره. Puis il le fait mourir et il le fait enterrer. Donc enterrer quelqu'un, on dit قبره. Celui qui enterre, il est قابر. Et celui qui est enterré, il est مقبور. Donc le verbe c'est قبره. Mais ici Allah n'a pas dit فقبره. Il a dit فأقبره. C'est-à-dire, c'est pas Allah qui l'enterre. Allah le fait enterrer. Donc Allah ici rappelle son bienfait envers l'être humain, c'est que depuis Adam, ou depuis les fils d'Adam, il leur a enseigné à enterrer l'être humain. Donc, il le crée. Il met tout à sa disposition, il lui facilite l'enfantement. Et ensuite, en plus, quand il meurt, il l'honore en ayant ordonné à ses semblables de l'enterrer. Imaginez-vous si l'être humain il se jetait comme ça dans les décharges ou dans les déserts. Non, Allah a ordonné à l'être humain depuis toujours d'enterrer ses semblables. Donc Allah a rappelé ce bienfait ici. Et en plus, pour les croyants, non seulement il a ordonné de l'enterrer, mais il a ordonné de le laver, de le mettre dans un linceul, de prier pour lui, et il a donné d'énormes récompenses à ceux qui le font. Tout ça, c'est un bienfait qu'Allah nous rappelle ici. ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ. Puis, lorsqu'il le voudra, أَنْشَرَهُ. Il le ressuscitera. كَلَّا لَمَّا يَقْضِي مَا أَمَرَهُ. كَلَّا, c'est-à-dire non, plus ou moins, لَمَّا يَقْضِي مَا أَمَرَهُ. Ça veut dire quoi, lamma, ici? D'habitude, lamma, ça veut dire quoi? Falamma, jaa. Quand? Voilà, quand, lorsque. Mais ici, lamma, c'est quoi? Pourquoi? Non. Non, c'est lima. Pourquoi? Lamma, c'est. Par exemple, si je dis. Je sais pas moi. Je mange. Akulu. Si je mets lamma avant et je dis lamma, comment je dis akulu? Lamma a kul majzoum. Donc c'est quoi ce lamma? Pas encore. Voilà, pas encore. Comme on dirait laïsa ba'd. Donc lamma yaqdi, il n'a pas encore accompli ma amarahu, ce qu'il lui a ordonné. De qui ça parle? Donc lamma, n'oubliez pas les arabophones que lamma, ça peut vouloir dire lorsque, et ça peut vouloir dire il n'a pas encore fait. Donc, kalla lamma yaqdi ma amara. C'est-à-dire, l'être humain n'a pas encore accompli ce qu'Allah lui a ordonné comme obligation. Certains salafs expliquaient le verset comme ça. C'est-à-dire que malgré tous ses bienfaits, et malgré le fait qu'Allah va le ressusciter, l'être humain, il est muqassir. Il est négligent et il n'accomplit pas ce qu'Allah lui a imposé comme obligation, comme commandement, etc. Malgré tous ses bienfaits et malgré le fait qu'ils connaissent la résurrection. D'autres disent qu'Alla lamma yaqdi ma amara, c'est Allah, c'est pas l'être humain. C'est par rapport au verset d'avant. Thumma idha sha'a anshara. Quand il le voudra, il le ressuscitera. Qu'Alla lamma yaqdi ma amara. Mais il n'a pas encore. Donc yaqdi. Il n'a pas encore tranché ce qu'il a ordonné, c'est-à-dire n'est pas encore venu le temps dans lequel Allah va accomplir ce qu'il a dit, de ressusciter les êtres humains. Donc, soit ça parle d'Allah dans le sens où il n'a pas encore, c'est-à-dire vous ne savez pas, il n'est pas encore venu le temps où il va vous ressusciter, ou alors ça parle de l'être humain, et cette explication-là, la première, elle est plus forte. Pourquoi? Parce que c'est celle qui est rapportée de la plupart des salafs. Ils ont dit qu'Allah, lamma yaqdi ma amara, ça parle de l'être humain. Comme quoi il est muqassir, il est négligent, et il laisse toujours à demain, et il n'accomplit pas ce qu'Allah lui ordonne. Bon, on ne va pas terminer la sourate, sinon on fera que ça. On laissera pour la fois prochaine, Inch'Allah. Donc on va faire le chapitre qui nous manquait dans notre livre. Vous voyez que ce n'est pas le même volume. Ce n'est pas la même taille de livre que la jurisprudence simplifiée. En fait, il nous manquait le chapitre sur Al-Hayd, sur les règles des femmes. Donc pour le prendre, en fait aujourd'hui on va faire un petit essai. Pour le prendre, j'ai pris Salatul Mu'min. Salatul Mu'min, c'est un livre du Cheikh Saïd Al-Qahtani, dont je vous ai parlé à peu près 117 fois. Saïd Al-Qahtani, donc il a écrit Salatul Mu'min. Donc vous voyez un peu la taille du livre, pour vous dire à quel point c'est détaillé ce livre. Mais en fait, ça parle aussi de Kitab al-Tahara. Kitab al-Tahara qu'on a étudié jusqu'à maintenant et qu'on va conclure, Inch'Allah, aujourd'hui. Il l'a aussi dans le début de ce livre. Donc, vous allez voir un autre style de livre. Aujourd'hui, on va faire, si ça vous plaît, on continuera sur Salat avec ce livre-là. Donc, il dit Al-Hayd wa al-Nifasu wa al-Istihadatu wa al-Salas. Donc, le dernier chapitre de Tahara, c'est Al-Hayd, al-Nifas, al-Istihada et al-Salas. Quatre choses. Donc, premièrement, Al-Hayd. Il explique que Al-Hayd, qui veut dire les menstrues, les règles, ça vient de « as-sayalan », le fait de couler. Et les Arabes disaient Hadha al-Wadi. Quand le Wad, c'est-à-dire quand l'eau elle coule dans le Wad, ils disent Hadha, bima'na sala al-Wadi. C'est-à-dire le Wadi coule, l'eau coule dans le Wad. Ils disent Hadha. Une femme qui a ses règles, on dit, au passé on dit Hadhat. Et au présent on dit Tahid. Et le masdar c'est Haid ou Mahad ou Mahid ou Tahayyud. Et au pluriel, on dit hawa'id ou huyad. Tout ça, ce sont des mots intéressants à savoir. Ensuite, le shir, il a parlé de la hikma des règles. Mais là, on peut faire une remarque à ce que le shir a dit. Ici, il a répété ce qui est dans tous les livres de fiqh. Ils disent que, voilà, en fait, pourquoi la femme a ses règles? C'est parce que ça, c'est un sang qui sert à nourrir le bébé dans le ventre de sa mère. Et donc, quand la femme n'est pas enceinte, ben, tous les mois, ce sang, il se vide. Et quand elle tombe enceinte, c'est de ce sang que vient la nourriture du bébé, etc. Ça, c'est une parole que les fuqaha disent depuis des siècles. Mais quand les fuqaha, parfois, ils parlent de choses qui ont attrait à la médecine, et ça, pour ceux qui connaissent, le cheikh Mohamed Bajabir, il en a parlé maintes et maintes fois dans ses cours de fiqh, quand il explique les livres du Madhab Hanbali. Parfois, ça parle de médecine. Et notamment quand l'auteur il explique ça. C'est-à-dire l'auteur d'un autre livre qui date des années, déjà 500 ans à peu près. Et à chaque fois ils expliquent la même chose, qu'en fait c'est un sang qui sert. Il faut savoir que parfois un faqih, un alim, quand il parle et touche à un domaine médical, est-ce qu'il parle à partir du Coran? Est-ce que c'est le Coran qui nous a dit le sang des règles il sert à la base, non. Est-ce que c'est le hadith? Non plus. Donc sur quoi il se base? C'est une théorie de l'époque. Voilà, la médecine de l'époque. Or la médecine, elle progresse. Et il peut y avoir des théories qui étaient à une époque, pour eux c'était sûr et certain. Et puis maintenant, comme la technologie elle est un peu plus avancée, on sait que c'est faux. Donc ce genre de parole, il ne faut pas s'y attacher à 100%. Donc à notre époque, avec tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés, si on veut savoir à quoi il sert le sang des règles et d'où il vient, il faut se tourner vers la médecine moderne. Elle va nous le dire. Normalement, elle va nous le dire. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas dire, par exemple, j'ai lu un livre d'un grand professeur allemand qui explique par A plus B que les règles, ça vient de ça. Mais Saïd el-Qahtani a dit que les règles, c'est pour nourrir l'enfant. Ah ben non, ben c'est Saïd el-Qahtani qui a raison parce que lui, c'est un savant. Non. Saïd al-Qahtani, c'est un savant de la religion. Donc si un spécialiste en médecine contredit le Qahtani, c'est qui a raison? C'est le spécialiste en médecine, c'est pas Saïd al-Qahtani. Donc il ne faut pas tout mélanger. Et les exemples de ce genre, dans les livres de fiqh, ils sont nombreux. Il y a des choses, parfois, ils se basaient sur des choses de médecine qui ont finalement complètement été dépassées. Mais eux, il n'y a pas de reproche à leur faire, aux fuqaha. Parce qu'ils revenaient aux médecins de l'époque. Les médecins de l'époque qui leur disaient telle chose, alors oui, ils jugeaient selon les connaissances que la médecine elle avait atteintes à leur époque. Si les connaissances elles évoluent, eh bien le faqih aussi il évolue dans ce qu'il va dire. Est-ce que son fiqh il change? Le fiqh lui il bouge pas, puisque le fiqh lui il vient des textes. Mais ce qu'il va dire sur différentes choses qui sont complémentaires, ça peut changer. Par exemple, je vous donne un exemple, il n'y a pas longtemps, dans un livre que j'étudie, il disait. Donc c'est un livre qui a été écrit dans les années 900, je crois, 900 ou 1000 de l'Égypte, il y a 500 ans à peu près. Et l'auteur, il dit que, en gros, que si deux hommes ont fait zina avec une femme, il parle de ce qu'on appelle, comment il les appelle déjà? En fait, chez les Arabes, il y a des gens qui savent reconnaître qui est l'enfant de qui. Et notamment par les pieds. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelait Zayd. Et son fils, le fils de Zayd, Oussama. Or Zayd, si je ne me trompe pas, il était blanc, et Oussama, il était noir. Ça, chez les Arabes, c'est fréquent, parce que chez les Arabes, il y a toutes les couleurs. Et il y a des gens qui se moquaient, les munafiqins, ils se moquaient de ça. Et il mettait en doute le fait que Oussama soit le fils de Zayd. Et un jour, Oussama et Zayd, ils étaient sous la même couverture, ils faisaient la sieste et on ne voyait pas leur tête. Et leurs pieds dépassaient. Donc deux pieds blancs, deux pieds noirs. Et il y a, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ah, non, non. Physionomiste. Oui, mais ça c'est en français. En arabe, j'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, il y en a un qui est entré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu les pieds, il a dit ça. Ces deux-là, ils viennent de ces deux-là. Le barduha min bard. En gros, il a dit lui, c'est le père de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça l'a réjoui. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils ne se trompaient pas. Et ça, ça existe même à notre époque. À notre époque, ça existe. Si par exemple, on se met à 10, on marche dans le désert, et on se mélange. À la fin, la personne, si elle regarde nos pieds, elle sait dire c'est toi qui es passé là, c'est toi qui es passé là, etc. Ça peut sembler incroyable, mais ça existe. Donc à l'époque, les qubats, parfois, dans les histoires où chacun y dit non, c'est mon fils, ou alors une femme, elle a fait zina, etc. Eh bien, ou alors par exemple, elle a divorcé, mais il y a un doute sur son enfant, ils appelaient ce genre de personne. Et ils disaient c'est son fils à lui, en regardant les pieds ou en regardant autre chose. Tout ça, c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est valable. Mais. Dans ce que j'ai lu, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, si le physionomiste, il dit l'enfant est aux deux pères, c'est qu'il vient du liquide des deux. Parce qu'à leur époque, ils croyaient que c'était possible, que si les deux spermes ils se mélangeaient, c'était possible que ça fasse un même enfant des deux spermes. Bon, maintenant on sait que c'est faux. Alors on va pas s'attacher parce que Al-Buhuti a dit ça dans son livre, que c'est vrai. Non, c'est tout. Al-Buhuti, c'est un grand savant. Il s'est basé sur la médecine de l'époque. Maintenant, la médecine a montré que c'est pas possible. On passe à autre chose. Vous avez compris ? Il faut pas tout mélanger. Donc, c'était une petite parenthèse intéressante. Ensuite, donc le premier point, c'était la définition de l'hayr. La deuxième, c'était sur la hikmah, c'est-à-dire pourquoi l'hayr. Le troisième, c'est, là on rentre dans le vif du sujet, la couleur du sang des règles. Donc, le sang des règles peut avoir quatre couleurs. Le premier, c'est As-Sawad, la noirceur. C'est-à-dire qu'il peut être noir ou quasi noir. Donc il y a un hadith qui existe à ce sujet, mais ce hadith, il est faible. Mais même de toute façon, sans le hadith, la réalité, elle le montre. La deuxième, c'est le Humra. Il peut être rouge, ce qui est logique puisque c'est du sang. La troisième, c'est As-Sufra, qui peut être jaunâtre. Et la quatrième, c'est Al-Qudra. Al-Qudra avec un kaf. Al-Qudra, c'est comme quand de l'eau elle est un peu sale, c'est-à-dire que c'est une couleur foncée mais pas noire. C'est entre le blanc et le noir. Donc il peut être noir, rouge, jaune entre guillemets, c'est pas jaune jaune hein, comme un crayon jaune, c'est jaunâtre. Et Al-Qudra, Qudra c'est la couleur comme de l'eau sale, entre le blanc et le noir. Pourquoi c'est intéressant de savoir ces choses-là? Un premier hadith, un hadith de Aïcha radiallahu anha, qui est rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta. Il raconte que les femmes, quand elles doutaient, certaines femmes, elles doutaient de leurs règles, et elles envoyaient à Aïcha, elles envoyaient quelqu'un qui avait une trousse de toilette, et il leur montrait un coton qu'elles avaient mis, pour demander à Aïcha, est-ce que ça c'est les règles ou pas. Et Aïcha leur disait, radiallahu anha, La ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda. Ne vous précipitez pas jusqu'à ce que vous voyez al-qassatu al-bayda. Al-qassatu al-bayda, on comprend que c'est quelque chose qui est blanc. Mais c'est quoi ? En fait, ils disent c'est soit un liquide blanc, ou soit c'est quelque chose qui ressemble à des fils, qui est blanc et qui sort du vagin de la femme à la fin des règles. Donc c'est comme si Aïcha, radiallahu anha, elle leur apprenait que toutes ces couleurs-là que vous voyez pendant les règles, ça reste les règles. Il ne faut pas vous précipiter à vous dire mes règles sont finies parce que maintenant c'est jaune ou parce que tant qu'il y a de la couleur, quelle qu'elle soit, pendant les règles, c'est les règles. Jusqu'à ce que vous voyez, en fait, Al-Qassat al-Baydan, c'est simple en français, on les appelle les pertes blanches. Un autre hadith, c'est le hadith de Ummu Atiyya radiallahu anha, elle disait Kunna la na'uddu al-qudrata wa sufrata ba'da al-tuhri shay'a. Elle a dit, radiallahu anha, nous ne considérions pas, et là elle a parlé de deux des quatre couleurs dont on vient de parler, Al-Qudra wa Sufra. Elle dit, on ne les prenait pas en considération après Al-Tuhur. C'est quoi Al-Tuhur ? C'est quand la femme elle s'est purifiée des règles, c'est-à-dire après les règles. Donc qu'est-ce qu'on en comprend ? C'est que pendant les règles, elle les prenait en considération. Et après les règles, elle ne les prenait pas en considération. Donc, On revient à nos quatre couleurs. Le rouge et le noir, c'est les règles. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et si jamais la femme croit avoir conclu, c'est avoir terminé ses règles, et qu'elle revoit le rouge et le noir, c'est que les règles, en fait, ne sont pas terminées. Par contre, le coudra, je ne vois pas comment le traduire, et le jaunâtre, pendant les règles, c'est toujours les règles, c'est-à-dire qu'elle ne se dit pas « parce que maintenant c'est jaunâtre, c'est plus les règles ». Non, c'est toujours les règles, jusqu'à ce qu'elle voit les pertes blanches. Par contre, une fois les pertes blanches passées et les règles terminées, si elle voit elle coudra, c'est-à-dire entre le blanc et le noir, ou le jaunâtre, est-ce qu'elle le prend en considération? Non, elle ne le prend pas en considération. C'est bon, tout le monde a compris? En fait, c'est là l'intérêt de savoir que le sang des règles peut avoir quatre couleurs. Quatrième point. Zamanul haydi wa muddatu. Alors, quatrième point, c'est le moment des règles et la durée des règles. Ça, c'est des points, si vous lisez dans les madahib, c'est des points à se tirer les cheveux. Mais le cheikh, il a simplifié tout ça. Donc, premièrement, as-sinnu alladhi tahidu fihi as-sarira. À quel âge une fille a ses règles? Ça, c'est un point dont les savants ont parlé. Certains ont dit, par exemple, à 9 ans, pas avant. Donc, si elle voit du sang avant, oh, c'est pas des règles. Elle fait salat, etc. C'est ça l'intérêt, en fait, de parler de cette question. C'est pour savoir, est-ce qu'elle va faire salat ou pas. Et le cheikh, lui, qu'est-ce qu'il explique? Il explique que, généralement, les règles vont de 12 à 50 ans. Elle commence à avoir ses règles à 12 ans, autour de 12 ans, et généralement, elle s'arrête à 50 ans. Mais il se peut qu'une fille les ait plus tôt, et surtout chez les Arabes, à l'époque, c'était courant, qu'elle les ait plus tôt, et il se peut qu'elle les ait plus tard, après 50 ans. Ça dépend de sa santé, ça dépend de son environnement, ça dépend du climat, ça dépend de différents facteurs. Mais généralement, c'est de 12 à 50 ans. Et donc, il explique que, comme je vous l'ai dit, les savants ont divergé. C'est quoi l'âge minimum pour avoir les règles et c'est quoi l'âge maximum pour avoir les règles? Mais dans le Coran, il n'y a rien qui nous le dit. Et dans les hadiths, il n'y a rien qui nous le dit. Et dans les paroles des sahaba, il n'y a rien qui nous le dit. Et il n'y a pas de consensus à ce sujet. Donc la vérité, c'est que la fille, quel que soit son âge, quand elle voit ce qui peut être des règles, c'est des règles. Et une vieille, même si elle a dépassé 50 ans, si elle voit ce qui peut être des règles, c'est des règles. Puisque de toute façon, il peut toujours avoir des exceptions, des filles qui les ont plus tôt et des femmes qui les ont plus tard. Ensuite, il a cité une parole ici de Ad-Darimi. Dans ses sunan, quand il a parlé de toutes ces divergences, il a dit « Kullu hadha indi khata ». Il dit « Pour moi, tout cela est faux ». À quoi il fait allusion tout cela? C'est-à-dire le fait de dire 9 ans, le fait de dire 11 ans, comme si c'était une limite. Il dit « Li'anna al-marji'a fi jami'i dhalika ila al-wujud ». Car dans tout cela, il faut se référer à al-wujud. Wujud, c'est-à-dire ce qui existe, ce que l'on constate. فَأَيُّ قَدْرٍ وُجِدَ فِي أَيِّ حَالٍ وَسِنٍ وَجَبَ جَعْلُهُ حَيْضًا. Il dit donc, quelle que soit la quantité de sang que l'on trouve, quelle que soit la situation, quel que soit l'âge de la femme, si ça peut être des règles, il faut le considérer comme étant des règles. Le point suivant, مُدَّةُ الْحَيْضِ. Combien de temps durent les règles? Donc encore une fois, les savants ont divergé sur quel est le minimum, la durée minimum des règles et quelle est la durée maximum des règles. Pourquoi ils ont divergé? Encore une fois, parce qu'il n'y a pas de verset du Coran qui le dit et il n'y a pas de hadith qui le dit non plus. Donc comment ils faisaient les savants pour savoir? Ils interrogeaient les femmes. Et si beaucoup de femmes leur disaient telle chose, ils disaient voilà, le minimum c'est ça. Donc pour vous donner un exemple, dans l'école de l'imam Ahmed, ce qui est connu, c'est que, quand je dis ce qui est connu, c'est parce que l'imam Ahmed, il y a plusieurs avis qui sont rapportés de lui à ce sujet. Mais l'avis officiel et qui représente l'école de l'imam Ahmed, c'est que les règles ne peuvent pas être moins d'un jour et d'une nuit. Alors qu'est-ce que ça veut dire moins d'un jour et d'une nuit? Ça veut dire que si elle voit les règles du droit jusqu'au Asar, et après ça s'arrête, ben c'est pas des règles. Si elle les voit toute une journée et la nuit ça s'arrête, c'est pas des règles. C'est ça que ça veut dire, la durée minimum. Et la durée maximum pour eux, c'est 15 jours. C'est-à-dire que si elle a ses règles pendant 15 jours, et que ça continue 16 jours, le 16e jour, elle considère ça comme une hémorragie et elle fait ce temps-là. Je vous explique ça juste pour que vous compreniez pourquoi parler de la durée minimum et de la durée maximum des règles. Et ce qui est rapporté de plusieurs salafs, et notamment l'imam Malik s'est rapporté de lui, l'imam Ahmed s'est rapporté de lui, si je ne me trompe pas, l'imam Shafi'i également s'est rapporté de lui, c'est qu'il n'y a pas de limite, ni minimum, ni maximum. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de durée minimum et il n'y a pas de durée maximum pour les règles. Et que les règles, comme le disait Abdullah ibn Abbas, ça peut être même une seule doufa'a, une seule sortie de sang. Et après, ça s'arrête. Si la femme voit ça, eh bien, elle ne fait pas ce sang-là. Si après, effectivement, ça s'arrête, elle recommence, elle fait le rousse, elle recommence à ce sang-là, etc. Et qu'il n'y a pas non plus de limite à la durée, il n'y a pas de durée maximum non plus pour les règles. C'est-à-dire que les règles peuvent arriver même 2 semaines, même 3 semaines. Et effectivement, il y a des femmes qui vivent ça. Et souvent, ça, c'est dû aux perturbateurs, c'est-à-dire ça peut être surtout à notre époque, à cause de l'alimentation, à cause de la pollution, et surtout à cause des pilules que les femmes elles prennent. Ça peut dérégler et ça peut faire augmenter énormément les règles. Par contre, si la femme elle voit les règles tout le temps, c'est-à-dire sur 30 jours, elle a 30 jours de règles. Là, c'est plus des règles. C'est ce qu'on appelle l'istihara, des hémorragies, et on va le voir par la suite. Khamisan ahkamul hayd. Cinquième point, les règles des règles. C'est-à-dire quelles sont les règles que l'on doit appliquer avec le hayd. Premièrement, ma yamna'ul hayd. Qu'est-ce que le hayd empêche? Les règles, ça empêche la femme de faire plein de choses. Quelles sont ces choses? 8 choses. Premièrement, as-salah. La salah. Donc le prophète a dit à une femme, sallallahu alayhi wa sallam, une femme qui avait des hémorragies, il lui a dit ça vient d'une veine, et ce ne sont pas des règles. فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِ الصَّلَةِ. Quand tes règles viennent, arrête de faire la salah. وَإِذَا أَدْبَرَتْ. Et quand elles repartent, فَارْتَسِلِي وَصَلِّي. Fais le rousse et fais la prière. Ça c'est dans Al-Bukhari. Aïcha radiallahu anha disait, كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Elle a dit, nous avions nos règles à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. Il nous ordonnait de rattraper le jeûne, c'est-à-dire de Ramadan, mais il ne nous ordonnait pas de rattraper la salah. Donc on en comprend que celle qui a ses règles ne prie pas. Ça, c'est un sujet sur lequel il n'y a pas de divergence. Par contre, on arrive à une autre mas'ala. Le fait que la femme ne fasse pas sa prière, ça implique une autre mas'ala, qui est, qu'est-ce qu'elle fait de la prière qu'elle rate avant d'avoir ses règles? C'est-à-dire, le dhuhr arrive, donc 13h58, elle n'a pas ses règles. Est-ce qu'elle est obligée de prier à 13h59? Non, elle peut attendre jusqu'au asr. Si elle veut prier 10 minutes avant l'asr, elle a le droit? Oui, elle a le droit. Le vol, on a le droit de prier jusqu'au asr. Arrivent les règles et elle n'a pas fait salah. Qu'est-ce qu'elle fait le jour où ces règles sont terminées? Est-ce que cette prière de vol, elle la rattrape ou pas? Le fait de dire qu'elle ne la rattrape pas, c'est l'avis des Zahiriyya, entre guillemets les littéralistes, et c'est un avis chez les Ahnaf, et c'est un avis qui est faible. Elle doit rattraper cette prière. Mais dans quelles conditions? C'est-à-dire, est-ce qu'elle rattrape cette prière si elle a trop repoussé? Par exemple, là, l'Asr, c'est à 18h11. Donc jusqu'à 18h, elle n'a pas prié. À 18h, elle s'est dit, bon, maintenant je vais prier, boum, les règles, elles arrivent. Alors, lui dire, rattrape la salah. Ou est-ce que, même si les règles, elles arrivent à 14h50, à 13h59, elle a à peine eu le temps de faire le mot, on lui dit, tu dois quand même rattraper cette prière. Sur ça, il y a beaucoup de divergences. Donc l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed et la grande majorité des salafs, ils disent qu'elle doit rattraper cette prière. Donc déjà, cette question, on ne la discute même pas. Rattraper la prière, elle la rattrape. Et pour la parenthèse, je vous le dis, parce que, Inch'Allah, j'espère qu'à côté, vous lisez beaucoup, le Cheikh Al-Uthaymeen, lui, il a choisi qu'elle ne la rattrape pas. Mais nous, on dit, c'est la majorité des ulama qui ont dit ça, Malik, les imams de Ahlul Hadith, Donc on ne discute pas le fait qu'elle doit la rattraper. Le problème, c'est à partir de quand doit-elle la rattraper. Donc on va, je vous passe tous les détails et je vous laisse avec la conclusion du cheikh. Le cheikh, il dit, ça je vous le lis en arabe pour pas que j'oublie quoi que ce soit, il dit وَالرَّاجِحُ وَالصَّوَابُ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ وَقْتَ الصَّلَةِ. Quand la femme entre dans le temps de la salat, ثُمَّ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى تَضَيَّقَ الْوَقْتِ, et qu'elle n'a toujours pas prié jusqu'à ce qu'il ne reste que peu de temps. تَضَيَّقَ الْوَقْتِ. Par exemple, elle ne prie pas jusqu'à ce qu'il soit par exemple 18 heures. Donc là, تَضَيَّقَ الْوَقْتِ. Il ne reste plus que 11 minutes pour faire la prière. بِحَيْثُ لَا تَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ كَامِلَةً فِي آخِرِهِ. Dans le sens où elle a à peine le temps de faire la prière complètement à la fin de l'heure. ثُمَّ حَضَتْ. Et que là, elle a ses règles. قبل أن تصلي, avant d'avoir fait la prière, وجب عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد أن تطهر. Elle devra rattraper cette prière quand elle aura fait le roussi. Ça veut dire que si par exemple, donc le dhuhr il est à 14h on va dire, elle tranquille, elle se dit je ne veux pas prier maintenant. À 15h elle a ses règles. Est-ce que le jour où elle fait le roussi, elle rattrape la salat? Non. Pourquoi? Parce qu'elle avait le droit de repousser la salat jusqu'à 15h. Donc les règles l'ont empêché de faire la salat, donc elle ne la rattrape pas. Donc dans quel cas elle la rattrape? Quand j'ai dit on ne discute pas le fait qu'elle la rattrape. Oui, mais dans quel cas? Dans le cas où elle a été tellement négligente qu'elle l'a repoussée jusqu'à la fin. Donc là, ça devient de sa faute. Parce qu'elle a laissé tout juste le temps de prier et là, les règles arrivent. Donc là, non. Là, il faudra qu'elle la rattrape. Parce que c'est elle qui a repoussé jusqu'au dernier moment. Vous avez compris la différence? Alors que la repousser d'une demi-heure, d'une heure, de deux heures, elle avait le droit. Donc si les règles viennent l'empêcher de prier, jusque-là, elle n'était pas dans l'obligation de prier. Par contre, à 18h, et si le Asr est à 18h11, là, elle était dans l'obligation de prier. Il fallait qu'elle prie maintenant, puisqu'il n'y avait plus le temps. Et là, les règles arrivent. Là, c'est de sa faute. Parce qu'elle était dans l'obligation de prier, elle ne l'a pas fait, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le temps. Les règles arrivent, elle devra rattraper cette prière. Donc il dit... لِأَنَّهَا, donc quand est-ce qu'elle la rattrape? Quand les règles terminent et qu'elle fait le rous. لِأَنَّهَا فَرَّطَتْ فِي الصَّلَاةِ, parce qu'elle a été négligente vis-à-vis de la prière. وَهَذَا الَّذِي يُفْتِي بِهِ سَمَاحَةُ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَازِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ بْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. Et il dit, et c'était la fatwa de عبد العزيز بن باز à son époque رحمه الله, et c'était l'avis d'Ibn Taymiyyah رحمه الله. Deuxièmement, les règles s'empêchent de jeûner. La rattrape à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, ouais, sont... le plus vite. D'accord. Dès qu'elle peut. Dès qu'elle fait le. Même dans ce cas-là, le FMI ne la rattrape pas. Ouais. Il dit parce que. Bon, je ne sais plus pourquoi, mais en tout cas, il dit ça. Si je me souviens bien, même le cheikh, il en a parlé dans la marge, et l'Ahnaf et l'Bahiriya, ils disent ça aussi. Sachant qu'il y a d'autres savants, eux, ils disent à partir du moment où le Zohar est à 13h58. Elle a eu le temps de faire l'ordo et de faire salah, même 5 minutes, et les règles elles arrivent, mais elle n'a pas fait salah, elle rattrape salah. Parce qu'elle avait eu le temps de la faire pendant toute cette période. Elle ne l'a pas fait, c'est elle qui l'a voulu. Elle a voulu repousser, mais elle la rattrapera. Parce qu'elle a connu Adrakat. Elle a vécu pendant le temps de cette salah. Donc il faudra qu'elle la fasse. Et c'est sûr que ça, en vérité, c'est ahwat. C'est plus sûr d'appliquer ça. C'est sûr que devant Allah, il ne manquera pas une salat si elle applique ça. La deuxième chose que les règles empêchent de faire, c'est le jeûne. Donc ça, on ne va pas trop s'y attarder, on a déjà bien expliqué. La troisième chose, c'est at-tawaf, tourner autour de la Kaaba. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hajj, il y avait avec elle Aïcha. Et Aïcha a eu ses règles avant le tawaf. Donc, avant d'accomplir le hajj, donc il lui a dit « If'ali ». مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي. Il lui a dit, fais tout ce que peut faire le pèlerin, tu peux faire tout le pèlerinage, mais ne fais pas de tawaf autour de la Kaaba jusqu'à ce que tu fasses le roussi. Le quatrième, c'est مَسُّ الْمُصْحَفِ, toucher le Coran. On en a déjà parlé maintes et maintes fois. Par contre, qu'en est-il de قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ? Nous, dans le cours, on avait dit Niet. En vérité, on va pas juste dire les avis comme ça. Lui, le cheikh, il dit, elle peut réciter le Coran. Et c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Maintenant, en vérité, il faut comprendre pourquoi. Comprendre la question. On sait que le Junub, celui qui est en état de Janaba, il ne peut pas réciter le Coran. La femme qui a ses règles, il n'y a rien qui est rapporté à ce sujet. Donc, ceux qui lui interdisent de réciter le Coran sans le toucher, de réciter le Coran par cœur, en fait, c'est un qiyas. C'est comme le Junub. Pourquoi? Parce qu'il considère que le Junub, qu'est-ce qui l'empêche de réciter le Coran? C'est pas Al-Janaba en elle-même, c'est Al-Hadathul Akbar. C'est le fait qu'il soit en grand état d'impureté. Un état d'impureté qui demande le rousse. Donc la femme qui a ses règles, c'est la même chose. Elle a Al-Hadathul Akbar. Elle est dans un grand état d'impureté qui demande le rousse. Donc de la même façon, elle ne récite pas le Coran par cœur. Et ceux qui le permettent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne vont pas regarder c'est Al-Hadathul Akbar. Ils vont dire c'est le Janaba elle-même qui empêche de réciter le Coran. Et il considère que faire le qiyas, c'est-à-dire faire l'analogie des règles avec le Janaba, ça ne marche pas. Et effectivement, ça ne marche pas. Si c'est pour ça qu'on l'interdit, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que le Junub, il est Junub, mais s'il veut, il fait le rousse tout de suite. Donc s'il ne récite pas le Coran, bah, c'est lui qui le veut bien. Si vraiment il veut lire le Coran, il n'a qu'à faire le rousse, il récite le Coran. Alors que la femme qui a ses règles, tu ne peux pas lui dire, bah, si vraiment tu veux rester le Coran, tu n'as qu'à faire le rousse. Elle ne peut pas faire le rousse avant la fin de ses règles. Et ça peut durer 5 jours, 6 jours, 7 jours, 10 jours, 15 jours. Donc ils disent, comment on va l'empêcher de réciter le Coran pendant tout ce temps-là, et peut-être même qu'elle va l'oublier. Donc, c'est pour ça que, et ça c'est l'avis du Cheikh Saïd al-Qahtani, et c'était ce que prononçait Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, à son époque, lui il disait, la femme qui a ses règles, elle peut réciter le Coran. Parce qu'il n'y a pas de qiyas entre elle et le Junub. Et les autres, ils vont dire, c'est pas question de Junub, c'est question de Al-Hadathul Akbar. Elle a Al-Hadathul Akbar, donc elle ne récite pas le Coran. Wallahu A'lam. Moi, je vous dis pas, c'est ça ou ça le haqq. Je vous laisse comme ça. Un livre qui traite d'un sujet, dedans, il y a des versets du Coran. Non, non, ça, tu peux le prendre. Même ça, on peut le prendre. Ouais, même celui qui n'a pas le wudu, il peut le prendre. C'est vraiment le mushaf. Mushaf, c'est-à-dire où il n'y a que le Coran, ou même une partie. Par exemple, Juz'amma, tu ne peux pas le prendre. Ou alors, par exemple, une page en français, une page en arabe. C'est quand même le Mushaf, donc je ne peux pas le prendre. Par contre, les livres de tafsir, non. Parce que tu as 5 versets, puis après, tu as 5 pages de tafsir. C'est plus du Mushaf. 5e chose, Al-Julus ou fil masjid. Le fait de s'asseoir à la mosquée. Elle ne peut pas s'asseoir à la mosquée, par contre, elle peut y passer. Peut y passer si elle protège bien, elle empêche bien le sang de toucher la mosquée. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il demandait à Aïcha de lui passer quelque chose, elle était chez elle, elle lui a dit, mais je suis ha'id. Il lui a dit, inna ha'idataki laysat fi yadik. Il lui a dit, tes règles, elles ne sont pas dans tes mains. C'est-à-dire que c'est la femme qui a ses règles qui ne peut pas rester dans la mosquée, mais elle peut passer par exemple sa main, ou elle peut juste passer. Cheikh Al-Albani dit pas quelque chose du contraire. Cheikh Al-Albani, à ma connaissance, lui dit elle peut rester à la mosquée, quoi. Oui, mais c'est ça. Voilà, mais je sais pas pourquoi. En fait, sans doute, il doit dire il n'y a rien qui l'interdit, en fait, tout simplement. Mais justement, le fait que le prophète dise, sallallahu alayhi wa sallam, dise à Aïcha, tes règles ne sont pas dans ta main, ça prouve bien que si c'est plus que sa main, elle ne rentre pas. Parce que sinon, il lui aurait dit, bah, c'est rien que t'as tes règles. Quand elle a dit, mais j'ai mes règles. Et lui, qu'est-ce qu'il lui a dit? Bah, tes règles, c'est pas dans ta main. C'est-à-dire qu'il pouvait lui passer le truc, elle pouvait lui passer le truc, je crois que c'était un tapis de prière, juste en tendant la main. Donc, si la femme qui a ses règles, elle ne pouvait pas rester dans la mosquée, il lui aurait dit, bah, t'as tes règles, et alors? Tu vois? Et alors? Puisque ça n'empêche pas la femme de rentrer à la mosquée, donc... Non, il a confirmé sa compréhension. Oui, t'as tes règles, mais tes règles ne sont pas dans tes mains. Et pour Salat al-Aïd? Pour Salat al-Aïd, c'est pareil, mais il a dit « A'tazim nan musalla ». Justement, ça confirme encore. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnait aux femmes réglées de sortir à l'aïd et il précisait Ya'tazimna al-musalla. Elle reste à l'écart de l'endroit de prière. Pourtant, c'est même pas une mosquée. C'est juste une musalla. Et elle reste à l'écart. Elle reste pas, elle s'assoit pas à l'endroit où les gens vont prier. Donc ça fait que confirmer qu'elle ne reste pas à la mosquée. Après, il y a certains savants qui vont le permettre dans le sens où ils disent ce qu'il y a à craindre, c'est talwif. En fait, ce qu'on craint, c'est qu'elle salisse la mosquée. Mais en vérité, les fuqaha, ou en tout cas la majeure partie d'entre eux, qui ont interdit à la femme qui a ses règles de rester dans la mosquée, c'est pas par peur qu'elle salisse la mosquée. C'est parce qu'elle est dans un état d'impureté majeure, donc elle ne doit pas rester à la mosquée. Comme El Junoub. L'homme, quand il est Junoub, il ne va pas salir la mosquée. Pourtant, il n'a pas le droit de s'asseoir à la mosquée. Et chez l'imam Ahmed, donc, quand est-ce que Junoub peut s'asseoir à la mosquée? Vous vous souvenez pas? S'il fait le wudu. Et donc, certains savants hanbalites, ils ont donné cette dérogation. Ils ont dit, la femme qui a ses règles, c'est pareil. Si elle fait le wudu, et si elle protège bien son orifice, c'est-à-dire de... Elle ne peut pas salir un mot comme c'est le cas à notre époque, elle peut s'asseoir à la mosquée. Mais la règle connue chez les fuqaha, c'est que celle qui a ses règles, elle ne rentre pas à la mosquée, tout simplement. Il y a un hadith à ce sujet. La uhillu al-masjidi li haqidin wa la junub. Je n'autorise pas à la mosquée, à une femme qui a ses règles, ni à quelqu'un qui est junub. Le cheikh l'a cité ici, c'est rapporté par Abu Daoud. Il faudrait juste regarder son authenticité. Sixième chose, al-wat'u fil farj, le fait d'avoir des rapports intimes. Donc Allah dit dans le Coran, yas'alunaka 'anil mahidi, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Il t'interroge sur al-mahid, mahid ça veut dire haid. Qul huwa adhan, dit c'est un adha. Adha ici dans le sens c'est quelque chose d'impur, quelque chose de. C'est une nuisance, quelque chose d'impur. فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Alors, écartez-vous des femmes pendant al-mahid. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles... Alors, regardez ici. يَطْهُرْنَ. Du verbe tahura, qui veut dire devenir pur. Donc ici, يَطْهُرْنَ, c'est-à-dire jusqu'à ce que les règles s'arrêtent. Mais après, juste après, qu'est-ce qu'Allah dit? فَإِذَا تَطَهَرْنَ. Quand elles se sont purifiées, donc une différence entre yatrol, c'est le fait qu'elles deviennent pures sans rien faire, qu'est-ce que c'est ça? C'est le fait que les règles s'arrêtent. Mais est-ce que l'homme peut avoir un rapport avec sa femme juste parce que ses règles se sont arrêtées? Non, puisqu'Allah dit fa'idha tatahharna. Tatahara, ça implique un acte de la femme, c'est pas juste tahura. Tahura, elle l'a pas choisi. Par contre, tatahara, c'est elle qui le fait. Mais c'est quoi tatahara? C'est le rousse. Donc lorsqu'elles font le rousse, فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ. Alors allez à elles de là où Allah vous l'a ordonné, c'est-à-dire dans les parties intimes. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Ensuite il a cité également, ça c'est propre à l'imam Ahmed rahimahullah et à différents savants du hadith, que celui qui fait l'erreur d'avoir un rapport avec sa femme quand elle a ses règles, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ou aurait dit, ça dépend de l'authenticité du hadith, « Yatasaddaqu bi dinar aw nisfi dinar. » Il fait une sadaqa en donnant une pièce d'or ou la moitié d'une pièce d'or. Ça, c'est un hadith qui est rapporté. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, il le jugeait comme sahih et il le mettait en pratique. C'est-à-dire qu'il disait que celui qui fait ce péché, il doit se rattraper, en plus de faire tawba, il doit faire une sadaqa de dinar aw nisfi dinar. C'est-à-dire qu'il a le choix entre eux, l'équivalent d'une pièce d'or ou de la moitié d'une pièce d'or. Ça fait combien ça? J'oublie toujours le dinar combien il fait en... Là il en a parlé mais il parle en riyal saoudi. C'est 200 euros je crois. Ça divise par ça. C'est 4,25 grammes d'or je crois. Ah ouais quand même. Donc, ça fait 200 euros une pièce je crois. Alors, parce que je sais que 20 dinars c'est 80 grammes d'or. Donc... un dinar, c'est 4 grammes, c'est ça, c'est à peu près 4 grammes d'or. Selon le gramme d'or, ça peut faire cher. Septième chose, at-talaq. At-talaq, la répudiation. C'est-à-dire que l'homme, quand il veut prononcer at-talaq, il doit le faire quand sa femme n'a pas ses règles. S'il le fait quand elle a ses règles, il a commis un péché. Et selon les quatre imams, ça lui est compté comme talaq. Donc non seulement il ne faut pas qu'elle ait ses règles, et il faut qu'il n'ait pas eu de rapport avec elle depuis les dernières règles. C'est-à-dire quand quelqu'un il veut talaq, il veut répudier sa femme, il faut attendre que les règles soient passées. Elle a plus ses règles. Maintenant, il peut la talaq. Si jamais il a un rapport avec elle, il attend les prochaines règles et qu'elle se purifie de nouveau. S'il a eu un rapport, il ne peut pas la talaq jusqu'aux règles suivantes. Et du coup, il n'est pas valable si, même s'il le dit alors. Non, il est valable. Il est valable. En fait, il y a une grosse discussion sur ça. Est-ce que son talaq il est valable ou pas? Et les quatre imams ils disent qu'il est valable. La grande majorité des ulama ils disent qu'il ne doit pas le faire. C'est-à-dire que c'est pas bon de le faire de cette façon, mais s'il le fait, il est quand même valable. C'est-à-dire que la femme, elle est mutallaqa. Allahu a'lam. Ça, c'est une catastrophe, hein. Pour la parenthèse. Beaucoup de gens, ils se marient et ils ignorent tout du talaq. Des fois, on me dit, ouais, là, j'ai répudié ma femme. Je dis, ah ouais, ça fait combien de fois? Ah, je sais pas, moi, plein de fois. Alors qu'il y a droit à deux, et à la troisième, il y a... C'est plus sa femme, elle doit faire ses valises, elle doit partir tout de suite. Ils n'ont plus le droit de cohabiter. Et il pourrait se marier avec elle que si elle se marie avec quelqu'un, qu'elle consomme son mariage et qu'elle divorce, le tout sans faire exprès. Et lui, il me dit, bah, j'ai divorcé plein de fois. Ou alors, par exemple, quand elle a ses règles ou pas ses règles, la pagaille. C'est ça le problème. Les gens, ils se marient, mais ils n'apprennent pas les règles du mariage. Ou alors, j'ai déjà entendu, ma femme, elle m'a divorcé. Sa femme elle l'a talaq. Il sait pas que la femme elle peut pas talaq, elle peut pas faire talaq. Elle peut demander le khul, c'est autre chose. Ou le fasr, l'annulation du mariage. Mais le talaq, un petit talaq, c'est l'homme qui dit ça, c'est pas la femme. Et j'ai déjà entendu aussi là j'ai fait talaq avec ma femme, est-ce que je peux me marier? Déjà à la base ça a droit à 4. Donc tu l'es divorcé, tu ne l'es pas divorcé, tu peux te remarier, parce que déjà à la base, tu as droit à 4 femmes. Bref, c'est beaucoup de... Parfois, c'est marrant. Quoi. C'est le qadi, un juge. Donc nous, ici en France, on n'a pas de qadi islamique. Comment on fait quand la femme elle a une raison valable d'annuler le mariage? Sachant que si vous lisez les paroles des fuqaha, la femme elle a le droit d'annuler le mariage pour des causes qui sont très minimes. Contrairement à ce que beaucoup d'entre nous croient, je ne parle même pas du khul, je parle du fasr. Le fasr, ça veut dire, le qadi, il dit, il écoute, puis à la fin, il vérifie, puis à la fin, il dit, bon, c'est tout, c'est plus ta femme, c'est bon. Il n'y a même pas de talaq, c'est-à-dire, si un jour il se remarie, ils ont toujours les trois talaq. Lui, il annule complètement le mariage. Et beaucoup de cas qu'on entend ici, par exemple le gars il tabasse sa femme, le gars il paye pas le loyer, il nourrit pas sa femme et tout, le fasr il serait prononcé depuis longtemps dans un cadre islamique. Le problème ici c'est qu'on n'a pas de qadi pour prononcer le fasr, donc les femmes elles subissent, puis elles restent comme ça sans... Elles ne peuvent rien faire quoi. Et normalement il doit y avoir une solution mais je la connais pas. En tout cas j'en ai jamais parlé avec des gens assez compétents pour donner une solution à ça. C'est quoi la différence avec l'autre que tu disais, le fasr? Le fasr, c'est une annulation complète. Et c'est-à-dire qu'elle n'a pas une aïda de trois périodes de règles, juste une. Et l'autre terme? Le khul, c'est quand la femme, c'est elle qui veut demander la séparation. Et donc, elle le fait en donnant quelque chose à son mari. Parce que lui, à la base, il ne veut pas divorcer. Lui, il est bien. Elle ne veut plus de lui. Donc, l'homme, quand il ne veut plus de sa femme, il dit un petit talaq, c'est tout. La République. La femme, non. Si elle ne veut plus de lui, elle doit entre guillemets se racheter. Par exemple, elle, je sais pas, 1000 euros ou 500 euros, elle lui dit tiens, je te donne ça et tu me libères. Et lui, il n'a pas le droit de dire non. Ça aussi, beaucoup de gens ne le savent pas. Il n'a pas le droit de dire non. Et aussi, le hadith qui dit si elle demande sans raison, elle ne sentira pas l'odeur du paradis, il n'existe pas non plus. Il est barif en vérité. Donc, je ne dis pas que la femme, c'est bien de divorcer à tout va, c'est pas ça. Mais c'est plus light que ce qu'on croit. Les fuqaha, ils citent, si l'homme il sent mauvais de la bouche, elle demande le fasr chez le qadi. Le khul, il compte dans les trois ou pas? Non. Le khul, si l'homme il dit bon d'accord, si jamais il se remarie, il a toujours ses trois talaq. Mais la différence, le khul, c'est qu'elle part tout de suite. Si c'est elle qui se rachète, il n'y a pas une période où ils vivent ensemble où l'homme il peut la reprendre, comme le talaq. Il faut qu'ils se séparent tout de suite, c'est plus sa femme, c'est terminé. Mais ils peuvent se remarier. Bref, voilà quoi, beaucoup de choses, c'est catastrophique. Huitième chose, c'est al-i'tidad bil ashhur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? l'i'tidad min al-'idda. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle se sépare de son homme ou quand son homme y meurt ou autre, elle a une 'idda, c'est-à-dire une période pendant laquelle elle ne doit pas se remarier. Cette 'idda, parfois on la compte en période de règles, et parfois on la compte en mois. Et parfois on la compte en quoi ? J'ai dit. Il y a trois choses. Si elle est enceinte, c'est quand elle accouche. Si elle n'a jamais eu ses règles, ou qu'elle n'a plus ses règles, on la compte en mois, trois mois. Si elle est veuve, on la compte en mois, quatre mois et dix jours, qu'elle ait ses règles ou pas. Et si ce n'est pas une veuve, c'est une femme divorcée normale, elle a ses règles, là on compte en règles. Fala, fata, pour trois périodes de règles. Donc le fait qu'une femme ait ses règles, ça fait qu'elle ne va pas compter en mois. Elle ne dit pas, ma'idda, c'est trois mois, c'est trois périodes de règles. Deuxièmement, en fait, je me perds avec les deuxièmement, cinquièmement. En fait, c'est deuxièmement dans Ahkam al-Hayd, dans les règles du Hayd. Qu'est-ce qui est licite avec al-Hayd, avec la femme qui a al-Hayd? En fait, il veut dire par là, il y a des choses qui sont licites que peut-être les hommes croient que ce n'est pas permis. Donc la première chose, il dit al-mubasharatu fi madun al-farj. Al-mubashara, donc le contact charnel, profiter d'elle du côté charnel, mais sans la pénétration. Ça, c'est permis. Donc, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il expliquait que les juifs à l'époque, donc vous savez que les arabes de Médine, ils vivaient aux côtés des juifs. Et eux, ils voyaient que les juifs, quand la femme elle avait ses règles, ils n'avaient plus de rapport charnel avec elle, mais ils ne mangeaient plus avec elle. Et ils la sortaient de la maison. Elle n'habitait plus à côté d'elle. Donc ils ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'Allah a dit dans le Coran, فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ. Écartez-vous des femmes pendant les règles. Que veut dire écartez-vous? Est-ce que c'est comme les juifs ou pas? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a expliqué. Il leur a dit, إِصْنَعُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحِ. Il leur a dit, faites tout sauf la pénétration. Nikah, c'est-à-dire le rapport intime à proprement parler. Il leur a dit, faites tout. Donc faites tout, c'est-à-dire manger avec elle, vivre avec elle, dormir avec elle, et aussi ayez des rapports charnels avec vos femmes, mais sans en pénétrer, sans rentrer dedans. Ensuite, il y a également le hadith de Aisha radiallahu anha, qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il s'allongeait sa tête sur ses cuisses et il récitait le Coran. Donc c'est l'inverse de ce que les juifs ils faisaient. Dans un autre hadith, un sahabi qui s'appelait Haram ibn Hakim, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma yahilu min mar'ati wa hiya haqir. Qu'est-ce qui m'est permis chez ma femme quand elle a ses règles? Et il lui a dit, ma fawqal izar, ce qui est au-dessus du izar. Et izar, c'est le panier. Et lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté que quand il voulait profiter de ses femmes quand elles avaient leurs règles, il leur disait de mettre un izar, et ensuite il profitait d'elles. Donc de là, les savants ont divergé sur la question de fawq al-izar. Et donc la femme qui a ses règles, en fait, il y a trois degrés. Al-jima', c'est haram, on n'en parle pas. Al-mubashara, fawq al-izar. En fait, ça veut dire quoi fawq al-izar? C'est-à-dire au-dessus du nombril et en dessous des genoux. Tout ça, l'homme, il peut en profiter, il n'y a pas de divergence. La divergence, elle est en dessous de tout ça, c'est-à-dire les cuisses, etc. Et le cheikh, il dit, en vérité, le prophète a bien dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Isna'u kulla shay'in illa nikah. » Faites tout sauf un nikah. Donc c'est permis, mais l'homme, il doit faire attention. Ça ne doit pas le mener à tomber dans le haram. Donc par précaution, il vaut mieux s'écarter de ça. Maintenant, s'il est sûr de lui, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas qu'il profite de ce qui est en dessous du Isa et que ça l'amène à tomber dans ce qui est haram. Donc deuxièmement, le fait de manger et de boire avec elle, donc comme on l'a dit, le fait qu'elle sorte à la prière de l'Aïd pour qu'elle assiste à la khutbah, qu'elle assiste aux invocations. Ensuite, il dit également, donc ça ce sont plus des exemples, le fait qu'elle lave la tête de son mari et qu'elle le peigne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait l'i'tikaf, il mettait sa tête dans sa maison et Aïcha elle le peignait. Elle lui lavait la tête et elle le peignait. Pourtant elle avait à ce moment-là al-hayd. Et toutes les autres adorations sont permises. Donc tout autre que ce qu'on a vu tout à l'heure. Troisième point maintenant, alamatu tohor. Quel est le signe de al-tohor, c'est-à-dire que la femme est purifiée des règles. Et il dit que al-tohor a deux signes. Pour simplifier, pour ne pas faire trop long, al-qassatul bayda, les pertes blanches qu'on a expliquées tout à l'heure. Et l'autre signe, c'est al-jafaf. Al-jafaf, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait que la femme, quand elle veut savoir si ses règles sont terminées ou pas, elle prend un coton, elle l'entre dans son orifice, elle le laisse, et elle le ressort. S'il n'y a rien dessus, elle considère qu'elle a plus ses règles. Si les règles reviennent, les règles reviennent. Mais si elle voit ça, ça s'appelle al-jafaf. Elle peut considérer qu'elle n'a plus ses règles. Donc ça peut être par les pertes blanches, et ça peut être par al-jafaf. Le point suivant, on en a fini avec les règles, c'est al-nifas. Al-nifas, ça veut dire l'enfantement. Mais qu'est-ce qu'on appelle ici al-nifas? C'est les hémorragies qui suivent l'accouchement et qui peuvent précéder aussi l'accouchement. Qui peuvent commencer un jour ou deux jours, jusqu'à trois jours avant l'accouchement, et ensuite ça continue après l'accouchement. La femme qui est dans cette période, comment on l'appelle? Nufasa. La femme qui est dans l'nifas, on l'appelle al-nufasa. Pour résumer, c'est facile, al-nifas, c'est les mêmes ahkam que les règles. C'est la même chose. Là, on n'a pas le droit d'avoir un rapport avec elle, elle ne doit pas faire la salat, elle ne doit pas jeûner, etc., etc. Sauf dans les points suivants. Premièrement, al-idda. Il dit que al-nifas ne compte pas dans l'idda. C'est-à-dire, si l'homme il a prononcé le talaq quand la femme était enceinte, quand est-ce que sa idda s'arrête? À l'accouchement. Une fois qu'elle accouche, c'est plus sa femme. Chacun chez soi. Il a jusqu'à l'accouchement pour réfléchir et la reprendre. Par contre, si il dit le talaq après l'accouchement, donc là elle est en période de nifas, il doit attendre que le nifas se termine. Après, elle va être pure. Et là seulement, il doit attendre trois périodes de règles. Il doit attendre. Il y a tout ça comme idda pour la reprendre. Donc le nifas, ça compte pas dans la idda. Ensuite, muddatul ila. C'est quoi l'ila? Lilladhina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. C'est parfois les Arabes à l'époque, quand ils s'énervaient contre leur femme, ils disaient: je te touche plus, c'est terminé, je t'approche plus de ma vie. Donc ça s'appelle l'ila. Et Allah dit que celui qui fait ça, il a 4 mois pour revenir sur ce qu'il vient de dire et pour se rétracter. Donc dans les 4 mois, il y a les périodes de règles. Par contre, l'nifas, non. L'nifas ne compte pas dedans. C'est-à-dire qu'en plus de nifas, les 4 mois, ils vont commencer après. L'nifas, la durée, elle va s'allonger. Pourquoi? Parce que c'est logique. Pendant l'nifas, de toute façon, il ne peut rien faire avec elle. Donc ça ne sert à rien de le compter. Al-boulour, la puberté, puisque forcément la puberté précède l'nifas. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Sur la durée, donc d'Aymul Haïd, le sang des règles, il arrive dans une période précise. Par contre, l'nifas, il n'a pas de minimum, c'est-à-dire il est plausible que la femme n'ait pas du tout de nifas, c'est-à-dire que le lendemain de l'accouchement, ses hémorragies s'arrêtent. Par contre, il a une durée maximum. Et ça, c'est basé sur un hadith de Umm Salama, radiallahu anha. Elle disait « Kanat innufasa'u ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam taq'adu ba'da nifasiha 40 yawma. » Elle disait la nufasa à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle restait 40 jours après l'accouchement. Et ça, c'est quasiment la totalité des salafs qui pratiquaient cette chose-là. C'est-à-dire que si ça dépasse 40 jours, elle fait le rousse et elle fait ce salat. Et elle considère que c'est une simple hémorragie. On a pris du temps. On a pris du temps et puis le point suivant, il y a un peu technique. On va le laisser. Au moins qu'on fasse un ou deux hadiths. En fait, le point suivant, c'est l'istihara, c'est-à-dire les hémorragies en dehors des règles. On va le laisser pour la fois prochaine. Par contre, le hadith, j'ai un doute. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on s'est arrêté? Est-ce qu'on a fait Kullu bani Adam khatta? On n'a pas fait. Ah ben c'est très bien. Donc on enchaîne avec les hadiths. Qala al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah, babu ma ja'a fi fadl at-tawbah. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. Donc il dit Anas رضي الله عنه a dit le prophète a dit صلى الله عليه وسلم tous les enfants d'Adam sont خطاء. خطاء ça vient du verbe خطئة qui veut dire fauter ou faire une erreur. Donc خطئة ou أخطأ signifie fauter, commettre un péché. Donc خطأ ça veut dire qu'il en fait beaucoup. Sinon le ismul fa'il normal c'est خاطي. خاطي c'est à dire qu'il se trompe. خطأ c'est à dire qu'il se trompe beaucoup. Tous les êtres humains de toute façon vont faire beaucoup d'erreurs, se tromper beaucoup et vont commettre beaucoup de péchés. Mais les meilleurs de ceux qui se trompent sont التوابون, ceux qui se repentent, ceux qui reviennent vers Allah. Donc il a dit, à partir de maintenant j'ai pris la décision, je vous parle un peu de l'authenticité des hadiths. Il a dit, c'est rapporté par At-Tirmidhi, par Ibn Majah, et Ibn Hajar il dit, wa sanaduhu qawi, sa chaîne de transmission est forte. L'imam At-Tirmidhi il a dit, quand il a rapporté ce hadith, hadha hadithun gharib. Gharib ici, ça ne veut pas dire comme en arabe, il est bizarre ce hadith, c'est pas ça que ça veut dire. Gharib, la na'arifu illa min hadithi Ali ibn Mas'ada an Qatada. En fait, celui qui a rapporté ce hadith, ou un de ceux qui l'ont rapporté, c'est Qatada. Qatada, rahimahullah, c'est un tabi'in. Il rapporte ce hadith de Anas. Qui rapporte ce hadith de Qatada? Ali ibn Mas'ada. Et il n'y a que lui qui rapporte le hadith de Qatada. C'est pourquoi l'imam Tirmidhi il dit « gharib ». Pourquoi? Parce que Qatada c'est un imam dans le hadith. Il a des grands élèves. Et il n'y a que un qui l'a rapporté de lui. Donc ça on appelle ça un hadith « gharib ». Parfois le hadith « gharib » il peut être « sahih ». Mais la plupart du temps, quand il est « gharib », c'est un signe comme quoi il n'est pas authentique. Et c'est le cas ici. Pourquoi? Parce que Qatada, c'est un imam dans le hadith. Certains disaient Laysa fil ummati ahfadhu min Qatada. Il n'y a pas dans la umma quelqu'un qui est plus hafif que Qatada. Qatada, l'élève d'Ibn Abbas et l'élève aussi de Anas. Qatada, il avait des grands compagnons qui ont rapporté de lui. Donc c'est pas possible que Ali ibn Mas'ada il rapporte un hadith et que tous les autres ils le rapportent pas. Quand ça arrive, son hadith, on ne va pas l'accepter. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce rapporteur, Ali ibn Mas'ada, il n'est pas assez fort pour que quand il rapporte un hadith tout seul, on l'accepte de sa part. Surtout quand il rapporte de quelqu'un qui a beaucoup d'élèves. Donc le hadith, il est gharib et il est daif. Ce hadith-là, il n'est pas authentique. C'est pourquoi Ibn Adi aussi, c'est un muhadith parmi les anciens, il a dit à propos de ce Ali ibn Mas'ada, وله غير ما ذكرت عن قتادة وكلها غير محفوظة. C'est-à-dire il a cité différents hadiths que Ali ibn Mas'ada il a rapporté de Qatada. Et il a dit il en a rapporté d'autres et tous sont غير محفوظة. C'est-à-dire ne sont pas à retenir. C'est-à-dire ils sont à rejeter. C'est des hadiths à mettre de côté. Pourquoi je vous raconte tout ça? Déjà c'est pour que vous sachiez que le hadith il est daif. Qu'on comprenne un peu pourquoi il est daif. C'est pas, on ne sort pas d'un chapeau sahih à daif. Puis aussi, c'est pour vous motiver un petit peu, surtout les arabophones, pour que ça vous donne un peu l'envie de comprendre tout ça et d'apprendre les sciences du hadith. Et l'imam Ahmed, il disait Hada hadithun munkar. C'est un hadith munkar. Munkar, c'est grave dans le daif. C'est-à-dire, c'est un daif, mais quand même grave, munkar. Pourquoi c'est grave? Parce que comme vous avez déjà entendu que. Un hadith da'if, par exemple, un da'if il rapporte un hadith, l'autre da'if il le rapporte, ça peut se renforcer. J'ai déjà entendu ça. Bah, pas quand c'est munkar. Même si 36 rapporteurs ils rapportaient le même truc, mais ils sont tous munkar, les salafs ils disaient ça rajoute que c'est encore plus munkar. Vous avez compris? C'est pas que ça va se renforcer. Non, c'est encore pire. Si vous, tous vous êtes d'accord là, bah c'est encore pire, c'est encore plus munkar. Donc munkar, le terme il est grave dans le hadith quand ils disent munkar. Et souvent ils disaient munkar dans ce genre de cas. C'est-à-dire dans le cas où il y a un grand rapporteur qui a beaucoup d'élèves connus, et puis c'est une personne qui n'est pas connue pour être parmi ses élèves qui rapporte le hadith de lui. Parfois, cette personne, elle peut être un rapporteur fiable. Eh bien, ils vont dire c'est mon cas. Parce que c'est pas possible que lui, il rapporte et tous les autres, là, ils l'ont pas rapporté. Donc, ils appellent ça mon cas. Mais nous, comment on fait alors? Comment on dit les livres? Quand on lit les livres. Ouais, il y a du boulot. Ouais. Quand on lit les livres, ça, c'est un très gros problème. Quand tu lis le livre, bah, tu n'as pas le choix que de faire confiance à l'auteur. Je vous donne un exemple pour être sincère. Saïd al-Qahtani, ses livres, ils sont excellents. Mais il y a beaucoup de hadiths munkar dedans. Que si tu reviens à Ahmed ibn Hanbal, Abu Daoud et tout, il y a beaucoup de hadiths dont il disait munkar. Pour les débutants comme nous, c'est chaud. Hein? Bah, t'as pas, ouais, c'est chaud. Ouais. T'as pas le choix que de faire confiance. Et puis, voilà, l'auteur, il a pris ce hadith, bah, c'est dur. Hein? Ouais. C'est dur. C'est pour ça, mais si vous avez la langue arabe, ça devient un peu plus facile, parce que tu peux chercher, quand même. Tu peux chercher, tu vois. C'est... Parmi. Tu peux chercher, ne serait-ce qu'avec Google. Hein. Des fois, on se moque sur Google, mais des fois, Google... Si Google, il t'envoie vers les bons sites, il n'y a pas de problème. Vers les bonnes références et tout ça, il n'y a pas de problème. Tu vois. T'attends pas de Google, il te dit « Hadith Daif ». T'attends Google, il t'envoie dans un bon site. Par exemple, il t'envoie sur Abdullah Fawzan ou sur. Qui va t'expliquer est-ce que le hadith est sahih ou pas. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous avez vu ce hadith, combien de fois on l'a entendu? Kullu bani Adam khata, etc. C'est la catastrophe. Enfin bref. Donc le hadith. Mais juste, c'est pas la parole qui est résistée, mais c'est un peu la chaîne voilà. De transmission qui est fausse. Oui, mais ça veut dire quand même que ce hadith, tu n'as pas le droit de l'attribuer au prophète. C'est ça, quand on dit un hadith est da'if, ça veut dire qu'il est interdit de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Vous allez me dire, bah, pourquoi Ibn Hajar il met. Parfois Ibn Hajar il peut mettre un hadith bon, qui est da'if. Bon, ici il a dit sanaduhu qawi, c'est pas vrai. C'est une erreur, ça arrive. Mais parfois il peut te mettre un hadith da'if. Juste pour parler du sujet, en fait. Par exemple, là, ça nous ouvre la porte pour parler de Taouba. Parfois, c'est juste ça. Parfois, également, surtout les anciens, quand ils mettaient des hadiths da'if dans leurs livres, déjà, ils ne mettaient jamais des gros da'if. Du da'if munkar et tout ça, ils ne le mettent pas sans préciser. At-Tirmidhi, Abu Daoud, Al-Nasa'i, tout ça, il y a des hadiths da'if dans leurs livres. Mais quand c'est da'if au point d'être munkar, ils le disent. Abu Daoud, il le dit. Al-Tirmidhi, il le dit. Comme là, par exemple. Al-Tirmidhi, il le dit. Gharib. Le problème, c'est que si tu n'as pas appris un petit peu, quand tu lis le hadith dans Sunan al-Tirmidhi, puis à la fin, il dit Hada hadithun gharib, la na'arifuhu illa min hadithi Ali ibn Mas'ada al-Qatada. C'est du chinois pour toi. Alors qu'en vérité, c'est très facile à comprendre. Gharib, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un qui l'a rapporté. Ça ne veut pas dire da'if. Des fois, Gharib peut être sahih. Nous ne le connaissons que de. Il n'y a que Ali ibn Mas'ada qui le rapporte de Qatada. Quand il dit ça, ce n'est pas pour faire une éloge du hadith. C'est pour le casser. Donc, Tirmidhi le rapporte et te dit attention, il y a un problème. Et parfois, ça arrive que le hadith il soit da'if, mais pas très da'if. Ça veut dire quoi, pas très da'if? Ça veut dire qu'il est da'if parce qu'un des rapporteurs. Il était da'if, mais pour sa mémoire. Il faisait plus d'erreurs que qu'il n'avait raison quand il rapportait les hadiths. Donc le hadith, il est da'if. Alors pourquoi ils vont le rapporter? Parce que c'est possible qu'on trouve un autre hadith qui dise la même chose. Donc ils vont se renforcer. Donc c'est pour ça que parfois ils rapportaient des hadiths qui étaient da'if. Mais le munkar, non. Munkar, da'if, jiddan, non. Et s'il le rapporte, il le dit. Et s'il le rapporte sans rien dire, bah, c'est une erreur. Parfois, ça arrive qu'ils se trompent, hein. Que certains imams du hadith ils se trompent tout simplement. Mais parfois, pour moi, je trouve qu'il y a de la sagesse dans le contenu. Voilà, le contenu. Les gens qui ont commis des péchés, c'est lui qui est meilleur, ouais. C'est celui qui ne servait pas. Ben, le texte, il est vrai. Oui. Ouais. Donc, si c'est ça que tu veux dire. Oui, le texte, il est vrai. Tous les êtres humains font beaucoup d'erreurs. Les meilleurs d'entre eux, ceux qui se repentent. Ça, c'est vrai. Et c'est dans ce sens-là qu'Ibn Hajar il va mettre le hadith. Le danger, c'est de ne pas comprendre ça. Et de dire, le prophète a dit, alors que le prophète, à 99%, on sait qu'il ne l'a, il ne l'a pas dit. Mais le sujet, le texte en lui-même, il est vrai. Et c'est pourquoi, Abdallah Al-Fawzan, quand il fait l'explication, en fait, lui, il te dit le hadith, il n'est pas vrai. Puis après, il te parle de Tawbah, dans le livre que j'ai ici. Et ici, il dit, voilà, Allah dans le Coran, par exemple, il dit, voilà, ici, Allah dans le Coran. Si on observe les hadiths du Coran, on voit qu'Allah a les hadiths, les versets du Coran. Allah, il a obligé Tawbah, il a ordonné Tawbah. Ya ayyuha alladhina amanu, toubou, il Allah et Tawbah ten nasoah. Donc, c'est un ordre. Comme la salat, c'est un ordre, la zakat, c'est un ordre, la Tawbah, c'est un ordre. On voit qu'il a montré ses effets. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun. Donc Allah nous l'a ordonné et il nous en montre les effets. Tuflihun, c'est-à-dire afin que vous réussissiez. Il nous a promis que si on se repent, on sera parmi ceux qui réussissent. Également, il a promis de l'accepter et il a dit qu'il aimait ceux qui se repentent. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Et dans un autre ayat, wa inni la ghaffarun liman tab. Donc Allah l'a ordonné, il a montré ses conséquences, il a dit qu'il aimait ceux qui le font, tawbah, et que si quelqu'un le fait, Allah l'accepte de sa part. Après, dans les hadiths authentiques, il y a beaucoup de hadiths authentiques qui parlent de tawbah, notamment dans Sahih Muslim, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yawm ilayhi mi'ata marrah. Il disait, oh vous les gens, tout vous, repentez-vous envers Allah, ou vers Allah, je ne sais pas trop comment dire en français, j'ai déjà cherché, j'ai jamais trouvé en fait, repentez-vous auprès d'Allah, car moi-même, je me repens plus de 100 fois par jour. Il y a plus de 100 fois, il pensait à des erreurs, à des péchés, et il demandait pardon à Allah, il revenait vers lui. Donc on ne fera que ce hadith-là pour aujourd'hui, parce qu'on s'est un peu allongé sur les autres trucs. Par contre, vous m'excuserez, moi je me sauve, que je pars en voyage et il faut vraiment que je parte tout de suite. J'ai pas le temps de discuter là à la fin. Et voilà, inshallah ta'ala, nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yufidana bima sami'na wa an yazidana ilma. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.